Revenu en solo, Brad Farrar joue au Rémy Bricca en mélangeant garage, stoner et pop-punk en un mix original et plutôt sympa pour du fait maison. Pop Eagle, le natif de Melbourne, propose son album à prix libre sur Bandcamp, ce qui devrait vous convaincre, sans trop de mal, d'aller y jeter une oreille. We'll be right back. But we're gonna leave that tone, you know, because it's too hot. gone up. In the gleaming corridor of the 51st floor, the money can be made if you really want some more. Executive decision, a clinical precision, jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Refreshes in the corridors of power. When top men need a top up long before the happy hour. Your snakeskin suit and your alligator boot. You don't need a long day, you can take it to the bed. I get my advice from the advertising world. Treat me nice as the body girl. Go get live where there isn't any. So free, yeah, free. Coca-Cola advertising and cocaine. Strolling down the Broadway in the rain. Neon lights and says it. I read it in the paper, they're crazy. Yes, it's your life. Maybe so. In the White House, I know. All over Berlin, they do it for years. And in Manhattan, coming through the door is a snub nose 44. The barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window saying, don't give it out of this. Like advertising world, or treat me nice as the party girl. Cook as live where there isn't any. So freeze, man, freeze. Hit the deck. She's not the right age. She's so afraid. Age. She's not the right. Alienation is the thing. Tell me, dear, do I look thin? Is my physique holding up? Tell me, darling, I feel a pop. Age. She's so afraid. Age. She's not the right age. She's so afraid. Age. She's not the right. She never seems to realize. Cellulite beauty never dies. Shivering in silhouette. 34 the minuet. She's not the right age. She's so afraid. Age. She's not the right. Darling, am I looking old? Tell me, dear, I must be told. You know it's a $1 million fear. The lines creeping over here. I was up this morning, blues were like a man. was up this morning, blues were like me. Worry blues, give me your right hand. Every step of a child tore me all upside down. Blues step of a child tore me all upside down. Trapped out old Jeffrelino, can't seem to turn him around. So preach blues. Load out, shake and chill. You ain't never had them, I don't believe you will. Blues is an agony of heart disease. Blues is an aching of heart disease. It's like consumption, baby, killing it by degrees. So preach blues. On a démarré l'émission avec Alling X et on en a entendu un autre morceau à l'instant pour clore la toute première partie de l'émission et nous permettre de faire la transition avec la rubrique suivante qui est les aventures de Marky Ramone dans son bouquin qui s'appelle Punk Rock Blitzkrieg. Donc beaucoup de Ramones, beaucoup d'anecdotes et à tout à l'heure. J'avais déjà connu ça quand ma Cadillac coupé Deville de 1960 était parti en fumée sur Ocean Avenue à Brooklyn. Cette fois-là non plus, ça n'était pas de ma faute, mais ça m'avait valu de rater une répétition et ça avait été le début d'une descente aux enfers qui s'était très vite soldée par un bye-bye Ramones. J'imaginais déjà la déception de Monte. Pire, j'imaginais la colère de John. On a trottiné le long de la route pour maintenir une distance de sécurité. Le feu couvrait maintenant une zone équivalente à deux pâtés de maison. Mike a compris la situation, il a accepté de rester sur place pendant que Didi et moi on faisait du stop. On résoudrait les autres problèmes après le concert avec un peu de chance. Yeah. où que l'on soit, on avait le look Ramones. On avait les t-shirts, les baskets, les blousons de cuir et les cheveux. On avait l'attitude. Si on avait levé le pouce sur Bowery, on aurait fait s'arrêter suffisamment de voitures pour bloquer la circulation dans tout le bas de la ville. Mais par ici, dans les Everglades, Charles Manson aurait eu plus de chance que nous et le brasier derrière nous ne nous facilitait pas la tâche. Au moins une douzaine de voitures, de camions et de camionnettes étaient passées devant nous. Je n'avais pas les jambes de Claudette Colbert et on n'était pas dans New York-Miami. Mais je connaissais le langage universel et il était plus vert que l'herbe qui brûlait. J'ai donc sorti une petite liasse de billets de 100 dollars et j'ai commencé à l'agiter. En moins d'une minute, un pick-up Ford F-150 s'est rangé de nos côtés. Le chauffeur est descendu et a fait le tour de son véhicule par l'avant. « Oh, vous allez où les gars ?» Il avait l'air d'un mec sympa, genre travailleur dynamique d'environ 50 ans. Il portait une casquette John Deere et il lui manquait deux ou trois dents. « Miami Beach », j'ai dit, « on est musicien. » « Ok », a-t-il dit, « c'est ma direction et j'ai de la place dans la cabine. » « Super », j'ai dit, « merci. » Avant que j'ai pu atteindre et saisir la poignée de la portière passager, quelque chose est sorti tout seul de la bouche de Didi. Ça s'est propagé plus vite que le feu et c'était plus difficile à éteindre. « Marc, tu penses que la bite de ce mec est grosse comment ?» On l'a tous parfaitement entendu. Didi avait eu beau rapper tout au long d'Alligator Alley, il n'y avait pas de rime à ça, ni de raison. Didi était hétéro, marié et comme moi avait beaucoup à perdre si on n'arrivait pas à temps à Miami Beach. J'ai vu les yeux du conducteur du pick-up aller de Didi à l'argent qui était dans ma main se poser à nouveau sur Didi puis sur le cash. Et ça a été réglé. Vous savez quoi il a fait ? Vous allez devoir vous installer à l'arrière du camion les gars. J'ai fait oui de la tête, j'ai tendu le fric et il l'a pris. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. How do you move in a world with fog that's always changing things? Makes the wish that I could be a dog. When I see the price that you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they the medicine chest, I don't wanna grow up. I don't wanna have to shout it out. I don't want my head to fall out. I don't wanna be filled with doubt. I don't wanna be a good boy scout. I don't wanna have to learn to count. I don't want the biggest amount. No, I don't want to grow up. La fin novembre dans les Everglades peut être assez frisquette, surtout quand vous êtes dehors en plein vent à l'arrière d'un pick-up qui roule à 120 km/h. Je n'ai pas pris la peine de demander à Didi ce qui lui avait traversé l'esprit. Je ne voulais pas le savoir. Je me contentais de fixer les deux fusils accrochés sur la lunette arrière. Quand on s'est arrêté devant la salle, Didi et moi, on était blottis à l'arrière comme deux immigrants à qui on aurait fait passer la frontière clandestinement. Les fans des Ramones de Miami Beach traînaient déjà dans le coin et quand ils nous ont vus debout à l'arrière d'un camion, des applaudissements se sont élevés. Je suis toujours content de signer des autographes, mais là, j'avais tellement froid que je ne savais pas si je pourrais même tenir un stylo. Yeah. La balance était dans 10 minutes. J'allais devoir tenir des baguettes et Didi un médiateur. Et on allait devoir s'en servir. Alors on a foncé dans les loges pour essayer de se réchauffer rapidement. John est entré. Il semblait un peu nerveux, mais surtout soulagé. Marc, je commence à m'inquiéter, on a une balance. J'étais sûr que John serait inquiet pour nous et de l'éventualité de perdre un cachet. Joey était le suivant à entrer. C'était le membre du groupe qui souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, parfois si graves qu'il fallait alors une matinée entière pour arriver à le faire quitter son appartement. Mais là, Joey nous avait battus en arrivant à Miami Beach presque 24 heures avant nous. Il y a eu un énorme feu sur la route, a dit Joey. Alligator Alley, ça vient de passer aux infos. Vous avez vu ça, les mecs ? Eh ouais, on a vu. On grelottait toujours et on n'était pas très bavards. Mais quand Monte est entré, il a tout voulu savoir. Qui aurait pu lui en vouloir ? Comment avais-je bien pu en arriver là ? C'était une question que je me posais presque tous les jours. En 1920, le père de mon père, Peter Bell, a quitté la Hollande pour l'Amérique avec ma grand-mère. Mon père est né à Hoboken, dans le New Jersey, le 11 août 1931 et a été baptisé Peter, comme mon grand-père. Ce dernier a été cuisinier au Copacabana pendant 10 ans avant de devenir cuisinier en chef du Haut Club 21. Le Copa, comme on l'appelait, se trouvait sur la 60e rue Est à Manhattan. Son propriétaire était le parrain de la mafia Frank Costello. Jerry Lewis et Dean Martin y ont fait leur début. Si vous étiez chanteur, chef d'orchestre ou comédien dans les années 40 et 50 et que vous aviez du succès au Copa, vous aviez réussi, point barre. Mon père a travaillé au 21 pendant 18 ans, à l'époque de son âge d'or. Fondé durant la Prohibition et situé sur la 52e rue Ouest à Manhattan, on pouvait repérer l'endroit grâce à toutes les statues de jockeys peintes au-dessus de l'entrée principale. Tous les gens importants mangeaient au 21. Mon grand-père a eu l'occasion de rencontrer des stars et de passer du temps avec elles, notamment Humphrey Bogart, Jackie Gleason et Judy Garland. Ce n'étaient pas des bobards, mon grand-père avait des photos pour le prouver. À chaque fois qu'on allait chez mes grands-parents, je contemplais ces photographies, impressionné que mon grand-père ait réellement connu ces personnes que je voyais à la télé et dans les films. Vous êtes toujours sur le son FM, Radioactive, Lost in Space, c'est la fin de la séquence Ramones avec ce Something to Believe In. On continue en musique avec des extraits d'une émission de France Culture d'il y a très longtemps, dans lequel Eviosan était invité, ça s'appelle Atelier Intérieur, et s'entrecoupera la playlist pendant quelques moments. Playlist qui va commencer pas plus tard que maintenant, tout de suite avec Wire. Yeah. Et donc, il y avait Luc Rathmilk, MKB, et qui a été d'ailleurs mon seul long métrage tourné intégralement en France, mais qui est déjà tourné finalement comme un étranger, puisque comme je venais de Toulouse, c'est vrai, j'avais comme ça un rapport de, oui, d'immédiateté, de surface. Alors, c'est comme ça que j'ai tourné dans les ruines de la Villette, comme j'avais tourné un cours dans les ruines de Citroën. Il y a la Porte Dorée, il y a l'avenue Fauche, la Tour Eiffel. Donc, vous avez perdu votre accent toulousain. Ah bon, oui, je l'avais un petit peu, mais et comme j'ai beaucoup séjourné ensuite dans des pays hispaniques, on me dit oh là là, quel accent tu as. What are we doing this for? The cause? Oui, c'est-à-dire que j'ai eu des difficultés après Docteur Chance, qui est sorti en 98, et donc j'ai pas mal voyagé, et puis j'arrivais pas à monter un autre film. Et là, c'est finalement les Açores qui nous ont sauvés, puisqu'on a une région française nous avait laissé tomber, et on a basculé le film aux Açores, je suis revenu un peu aux origines, quoi, et... Yeah. Oui, c'est en plaisantant, je dis oui, c'est un peu Orphée Eurydice à l'envers. Parce que, effectivement, le personnage féminin, est censé avoir vécu, lui, ne sait pas immédiatement qu'il est mort. Et on peut. Alors j'aime bien comme ça qu'il y a toujours une espèce d'ambiguïté dans les possibilités d'interprétation. Il arrive comme en voyage sur un archipel qui s'appelle Las Estrellas. Et puis là, des gens lui disent qu'ils le connaissent. Puis petit à petit, il va reprendre contact par le biais d'une organisation qui s'appelle les Dharma Guns, une organisation un peu virale. Donc le film se passe en trois temps. C'est-à-dire que c'est un peu au début, c'est effectivement il est un étranger, il essaie de découvrir ce monde un peu à l'abandon. Et puis le deuxième, il est plus ou moins intégré. Le troisième, c'est déjà l'éjection. Et donc, oui, on peut aussi concevoir ça, le temps de passage entre... Puisque le film s'ouvre et se conclut un petit peu dans la même unité. Oui, il est rentré dans une zone, comme ça, et il passe vers une éjection, vers notre espace, quoi, notre monde, quoi. Rub my legs, step on the stove. Rub my legs, what the just in my room. Put our parlays, kick them out. Put our parlays, beat them up all. Out of gym. What I do? I know why I say it today. If I don't, Billy, come high. Put our parlays. Saturday, the raw police, but the hungry cause. The raw police, try to keep the raw police, the public in line. I don't want, I'm saying today. If I don't, Billy, come high. The raw police. You start to run. La police. Some say I'm bound. La police. There's a man in your hands up. La police. Don't wanna ride it. Oui, oui, c'est-à-dire que l'eau, c'est vrai que l'eau m'a toujours fasciné. Quand je suis, j'ai mis longtemps à m'habituer au désert, puis finalement je l'ai adoré. Quand j'ai séjourné dans l'Atacama, je suis très attiré par les zones de steppe ou de désert. Mais c'est vrai que j'ai toujours une certaine panique quand il n'y a pas d'eau, quoi. Et puis même en ville, c'est vrai, le fait de ne pas pouvoir accéder à des zones fluviales, mais dès qu'il y a une ouverture, soit lacustre, maritime. Thank you. Vous êtes toujours sur le 100 FM Radioactive, Lost in Space, c'est maintenant l'heure du live. On va retrouver aujourd'hui Dinosaur Junior avec un concert enregistré le 1er septembre 2006 à Ottawa au Canada et très exactement au Capitol Music Hall.